Noël en mer par André Lemoine. 1. Noël sous l'équateur et les glaces du pôle. Ce jour-là, s'abordant d'un geste fraternel, les marins au long cours se frappent sur l'épaule en songeant au pays où l'on fête Noël. Filant au moins 10 nœuds dans sa rapide allure, le vaisseau marche droit sur les flots apaisés, frémissant de plaisir dans toute sa voilure au souffle oriental des bons vents alizés. Noël à bord, Noël sur le navire en marche. Tous, naviguant au loin par un ciel noir ou bleu, sont aussi primitifs que Noé dans son arche, s'en allant sur l'abîme à la grâce de Dieu. Chacun pense à Noël. En haut, le petit mousse, comme un vif écureuil aussi prompt que le vent, un chaud rayon d'or pur coiffant sa tête rousse, à la pointe des mâts, rit au soleil levant. Tandis que, réjoui de la brise marine, et gabier de misaine et gabier d'artimon, de parfums inconnus se gonflant la poitrine, s'exaltent à la fois le cœur et le poumon. Jetant son feu de pourpre aux larges voiles rondes, un soleil d'équateur embrase mer et ciel, et les marins, songeant au Créateur des mondes, fêtent l'éblouissante aurore de Noël. 2. Et le vieil amiral, qu'on n'a jamais vu rire, qui toujours interroge et jamais ne répond, ce matin avant l'aube est monté sur le pont et paraissait heureux à bord de son navire. Même on dit qu'un enseigne et l'officier de quart et le gabier de barre et le gabier de veille, à l'heure où presque tout l'équipage sommeille, l'ont aperçu de loin souriant à l'écart. Dans les houles du large, il en a vu de rudes, sous ses vieux sourcils blancs comme incrustés de sel. Au brusque changement de la mer et du ciel, des tropiques jusqu'au plus froid de latitude. Il navigue depuis 40 ou 50 ans, mais son œil gris de fer des nuits perce les voiles. Il peut dire le nom de toutes les étoiles. Il voit clair dans la brume et par les plus gros temps. Se riant des typhus et de la fièvre jaune, de la terre, il a fait 9 ou 10 fois le tour. Il s'est aventuré sur le grand fleuve Amour et connaît l'Orénoque ainsi que l'Amazone. Mais au jour de Noël, le mousse et l'amiral, jeunes et vieux, oubliant l'intervalle des âges, sans pouvoir imposer un masque à leur visage, reviennent par le cœur vers le pays natal. 3. Noël à bord, Noël sur le navire en marche, tous naviguant au loin, par un ciel noir ou bleu, sont aussi primitifs que Noé dans son arche, s'en allant sur l'abîme, à la grâce de Dieu. Tous, au rapide essor de la même pensée, sous le ciel du berceau retournent à grand vol, le vol du souvenir, magique traversée, qui mène à l'Orient, Plancoët ou Saint-Paul. L'un remonte au croisic ou descend vers Guérande, où sont les paludiers aux maisons de faubourg. L'autre aperçoit de loin, sur une vaste lande, un fin clocher dressant sa haute aiguille à jour. Pour sa part, l'amiral revient à Saint-Nazaire, dans la chambre bénie où, vers Dieu s'élevant, sa vieille sœur pieuse, égrenant un rosaire, frémit de tout son être au moindre coup de vent. Et le mousse, rêveur, va plus loin. Il s'arrête à l'ancien petit port breton du Guilvinec, où sa grand-mère est pâle au bruit de la tempête, enfilant sa quenouille à son feu de varech. On donne un souvenir à ceux qu'on laisse en route, et qui, pour dernier lest, ont un sac de gravier, les pieds froids amarrés d'une solide écoute, et qui s'en vont roulant sous les palétuviers. André Lemoine. Enregistré par Christiane Jehanne.